Hey, ladies and gentlemen. Hey. Ladies and gentlemen, wake up. Welcome to the Ninjam's bar. There is some drink, some crazy. Pourquoi il est synthétique? 1. Ah d'accord. 1, 2, 1. Sweet and I quitter la ville en mode moine. Je vais devenir un moine, habillé en orange, crâne rasé. Un moine. Rien sur la tenue orange. Je vais devenir un moine. Rien sous la tenue orange. Je vais devenir un moine. Crâne rasé. Rien sous la tenue. VH, c'est quoi ça? Je vais méditer dans la. I will go on forever. Take some meditation. Cause the light of sometimes needs some. Now it go away. Yeah. Let's go in the forest, take some medication, en slip ou en chapeau. Meditation. Hey! fil. Porteur de slip blanc, porteur de slip. Mon slip préféré, celui de la maternité. Celui de la maternité. Fan club de slip blanc. Ça existe. Okay, je fais la basse moi. Ok, I take the bass, man. Fake bass, but I will try something, man. Something like. Thank you. Thank you. We'll be right back.

Moi, je joue la basse à la bouche. Y a pas de souci, je joue la basse, moi, les gars. Yeah.